Chapitre 2e. Les Treuil habitaient au parc Monceau un très bel hôtel encombré avec goût de bibelots rares ou coûteux, que Madame de Treuil, née Salomon, avait reçu en dot. En mariant sa fille, le père Salomon, homme prudent et entendu, s'était pris de telle sorte que Treuil ne put pas soustraire un sou des 10 millions d'agars. Et non seulement son gendre ne pouvait pas toucher au capital, mais encore il devait se contenter de ce que sa femme, libre en vertu de son contrat de mariage, de toucher ses revenus et d'administrer ses biens, consentait à lui donner pour ses menus plaisirs. Avec ce système, M. de Treuil devait, selon les calculs du père Salomon, être forcément un mari docile. Mais les potins affirmaient le contraire. Les versions différaient. Les uns prétendaient que, par des prodiges de bassesse et de rouerie, il obtenait de la jeune femme l'argent dont elle ne se séparait pas sans un déchirement. Les autres soutenaient que c'est avec des coups qu'il arrachait les sommes convoitées. Tous s'accordaient à dire qu'il entretenait, assez modestement d'ailleurs, Mademoiselle Lacombe première, qui le trompait de toutes ses forces avec le premier venu. La vérité, c'est que le baron de Treuil, trop bête pour être adroit et trop veule pour être brutal, n'osait rien demander à sa femme et se contentait de ce qu'elle voulait bien lui donner. Elle lui donnait peu, relativement à ses besoins qui étaient considérables, mais assez toutefois pour qu'il pût faire bonne figure dans le monde où elle voulait le voir briller. Très intelligente et infiniment pratique, la baronne n'estimait son mari que pour ce qu'il valait, c'est-à-dire pour son titre et son nom, qui lui avait ouvert toutes grandes les portes par où elle tenait à passer. Elle savait qu'en ce temps de snobisme à outrance, le chic est avant tout prisé et elle jouait merveilleusement de la sottise d'autrui. Froissée d'abord de se voir délaissée par son mari, elle avait compris bien vite qu'un ménage uni est presque ridicule aux yeux du monde et dans tous les cas impropre à y donner le ton. Il faut que le mari s'amuse, sinon bruyamment, du moins assez haut pour qu'on le dise tout bas, et que la femme soit irréprochable de tenue, quitte à faire silencieusement tout ce que bon lui semblera. Et comme elle n'avait pas la moindre affection pour l'imbécile qui lui avait vendu son nom, sans même savoir se faire payer intégralement la marchandise livrée, les premières frasques de M. de Treuil n'atteignirent que sa vanité, et elle s'empressa de les exploiter à son profit. Elle commença par supprimer totalement les très rares instants d'abandon qui, tout de courtoisie de la part de son mari, étaient pour elle d'effroyables corvées, faisant comprendre, sans s'expliquer nettement, qu'elle était instruite de ce qui se passait. Elle montra une tranquille indifférence et augmenta largement, sans s'expliquer de cette générosité, les très maigres subsides du baron, anéantis de reconnaissance et de stupéfaction. Elle se fit tour à tour camarade ou maternelle, mais sans paraître descendre à de fâcheuses complaisances avec une mesure et un tact parfait. Lorsque de sa loge, elle regardait avec une insoucieuse bienveillance Mademoiselle Lacombe première, son attitude était vraiment d'une femme d'esprit et de haut goût. Elle savait tenir sa place dans ce monde où elle s'était faufilée et désarmée par ses façons des préjugés tenaces. Les plus rétives douairières lui savaient gré de la dignité de sa conduite et, apitoyée sur son sort de femme trompée, disait en la regardant affectueusement presque « Pauvre petite femme !» Elle avait beau avoir près de 6 pieds, des yeux de flamme et une mâchoire féroce, elle était, aussi bien pour les vieilles dames puritaines que pour les mondains tolérants et compatissants, une pauvre petite femme. Depuis bientôt 5 ans qu'elle était mariée, délaissée par son mari et très courtisée par les hommes de son entourage, la baronne de Treuil n'avait jamais donné prise à la moindre médisance. Elle traversait comme une salamandre les flammes légères qui ne la brûlaient pas. Elle se trouvait satisfaite pleinement d'être la femme la plus à la mode et la plus admirée de Paris. L'admiration lui suffisait sans plus. Un instant, l'apparition de Madame d'Argonne avait troublé la quiétude où elle vivait. Elle avait craint que cette si jolie femme ne prît la place qu'elle occupait sans lutte jusque-là. Mais tout de suite, elle s'était rassurée. Si Christiane avait plus de beauté et plus de charme qu'elle, elle n'avait ni l'argent ni la volonté nécessaire pour devenir la femme dans le train que suivent les badauds et que les provinciaux examinent avec une émotion mêlée de respect. La très grande simplicité de Madame d'Argonne, son peu de souci des conventions et des modes, la rendait impropre au rôle que la baronne avait un instant redouté de lui voir jouer. De cette retenue inconsciente, elle lui sut presque gré, et s'efforça de la tirer chez elle. Ce fut surtout M. d'Argonne qu'elle attira. Très rarement, la comtesse, qui n'aimait pas beaucoup le monde, répondit aux invitations dont l'accablait les treuils, mais son mari vint souvent à l'hôtel du Parc Monceau. Un peu snob, très ébloui par le grand luxe que sa fortune relativement modeste lui interdisait, Jacques d'Argonne admirait de confiance ceux qui pouvaient faire ce que lui ne faisait pas. Tenu pendant toute sa jeunesse, en lisière par des parents avares et desséchés, il s'était lancé à corps perdu dans le monde qu'il avait connu trop tard, se mettant à en jouir goulûment, sans mesure et sans discernement. Il gobait les gens brillants et moralement inférieurs, et ne comprenait pas les êtres effacés et exquis, les Treuil, avec leur bel hôtel, leur grand train et leur chic indiscuté, l'emplissaient d'une admiration déférente. Il s'honorait presque d'être de leur intimité et réprimandait sa femme de son peu d'entrain à les recevoir. Il se pâmait devant les toilettes de la baronne, devant l'arrangement de son petit salon. Un jour qu'elle lui avait montré son cabinet de toilette, il rentra extasié, suffoqué, racontant d'une voix entrecoupée les merveilles entrevues et déclarant que Madame de Treuil devait paraître idéale lorsqu'elle était à sa toilette dans ce temple de marbre blanc. Et la pauvre Christiane, qui pensait que là, plus qu'ailleurs, la baronne devait être très maigre et passablement noire, subissait tristement l'accès de lyrisme du mari qu'elle adorait d'un amour passionné et reconnaissant. Elle l'adorait de toutes les forces de son âme si pure, ce mari qui, riche et charmant, l'avait épousée, elle, presque pauvre et très ignorée au fond de sa province. Elle l'avait aimé tout de suite, dès leur première rencontre, à une chasse, où il ne l'avait pas quittée un instant, et elle s'était bien aperçue qu'il trouvait de son goût la grande fille gauche qu'elle croyait être. Mais à ce moment, les parents de Jacques vivaient, et les 200 000 francs de dot de Christiane leur firent pousser les hauts cris et refuser leur consentement avec un ensemble parfait. Et lorsque, désolée, mais ayant renoncé au bonheur entrevu, elle cherchait au bout de longs mois à effacer de son cœur le souvenir de cet ami d'une journée, elle l'avait vu revenir à elle pour toujours. Depuis plus d'un an qu'ils étaient mariés, les d'Argonne s'aimaient, au risque de sembler ridicules dans un milieu où la fidélité n'est guère de mise. Ils aimaient de façon différente, mais ils aimaient sincèrement. Christiane, avec sa nature profondément caressante et tendre, très calme en apparence, mais ardente et inquiète au fond, Jacques, avec sa fougue, son exubérance de vie qu'il s'efforçait d'atténuer et surtout de dissimuler, rien n'étant moins chic que d'être exubérant. Quand ils entrèrent dans le salon où l'on attendait, non pas l'heure déjà passée, mais l'arrivée des invités, Madame de Treuil vint au devant de la comtesse. Elle était charmante dans l'éclat de la robe de crépon capucine qui habillait merveilleusement sa beauté brune. Qu'elle plût ou pas, on devait reconnaître qu'elle était belle indiscutablement. Certes, on trouvait en l'examinant de nombreuses imperfections, mais l'ensemble forçait l'admiration et les yeux, des yeux bruns immenses, au regard luisant sous le velours des prunelles, des yeux de bête, tour à tour câlin ou sauvage, très enveloppés de paupières lourdes, étonnés par leur extraordinaire éclat. Elle regarda Madame d'Argonne et, désignant de l'éventail sa robe blanche toute simple, elle demanda du ton de condescendance aimable qu'elle affectait volontiers. « Très jolie, votre toilette. Est-ce que c'est de mon temps ?»« Non, » dit Christiane, « c'est fait chez moi. » Monsieur de Morière, qui, debout à la cheminée, surveillait attentivement l'entrée des d'Argonne, murmura à l'oreille de Chagny. « Pas besoin de le dire, ça se voit. » Chagny répondit. « Oh, moi, ça m'est égal. Je ne suis pas comme toi. Je me fiche de l'écrin. Je ne suis difficile que pour le bijou. » Il ajouta, en tournant vers la jeune femme, ses bons yeux tout pleins d'affectueuse admiration. « Et je peux l'être pour ce bijou-là, difficile. Il y a de quoi. Et tu es bien enthousiaste. Est-ce que... » « Oh, pas du tout. Je te l'ai raconté ce matin. J'étais amoureux de Madame d'Argonne, tout comme les autres, à mon tour. » Tu le lui as dit. « Je te crois que je le lui ai dit. Eh bien ?»« Eh bien, elle m'a envoyé promener, tu penses, mais sans indignation, sans grand geste, en bon garçon. Et quand je l'ai connue davantage et que j'ai vu quelle âme exquise c'était, j'ai compris à quel point j'avais été fou de vouloir m'attaquer à elle. Alors tu ne lui en as pas voulu ? Non. Dis donc, elle a singulièrement belli, la baronne. Je la trouve toujours la même. Des yeux de félin, une mâchoire de carnassier et des narines de ruminant. C'est peut-être très beau, mais c'est pas mon modèle. Elle a une branche, un je ne sais quoi. Tiens, regarde un peu sa silhouette, là, à l'instant, se détachant sur ce rideau de satin blanc, dans cette robe rouge. Oh, quant à ça, elle sait choisir ses cadres et combiner ses effets. Une merveille, cette robe molle, qui atténue dans ses plis souples la raideur de la taille trop sanglée, et le décolletage, un prodige d'habileté. Et l'arrêt prolongé devant la portière blanche, juste dans le jet de lumière, la tête tournée de façon à se présenter de trois quarts à ton admiration, car c'est pour toi, tu sais, ce jeu de scène. Monsieur de Morier haussa les épaules. « Tu vois de la rouerie partout. Madame de Treuil est... » Jeannie interrompit, et de sa voix gouailleuse. « Innocente comme un petit agneau du bon Dieu. Oui, c'est convenu. » André vit que la baronne les regardait. Voulant changer la conversation, il demanda. « Il est 8h30, est-ce qu'on attend encore quelqu'un ?»« Le père Salomon et les Venancourt. » Morière fit la grimace. « Comment, nous allons dîner avec cet horrible bonhomme ?»« Mesdames, c'est le père de la maison et le caissier, à ménager, celui que tu appelles l'horrible bonhomme. Il est heureux comme un roi de dîner avec des femmes jolies, et du monde surtout. Alors, quand il y a de jolies femmes, on l'invite toujours. » Le comte Salomon entrait en sautillant, poli, un peu obséquieux même, ballottant à travers le salon son petit ventre en œuf, monté sur de courtes jambes grêles. Chani le toisa et dit en riant, « C'est vrai qu'il est vilain. » Et voyant que Morière examinait d'un air écœuré le gros petit homme, il ajouta, compatissant et narquois, « Ça te dépoétise la belle Agar, hein, ce père-là » Le marquis répondit, un peu agacé, « Oh, elle lui ressemble si peu. » « Hein ? Pas si peu que ça. Je retrouve les mêmes oreilles jaunes et plates, la même peau d'un grain trop gros, ah. »« Ah, enfin, voilà les Venancourt. J'ai une de ces fins. »« Toujours farceuse, madame de Venancourt ? Je n'en sais rien. Je crois qu'on a beaucoup exagéré. »« Elle est gentille. » »« Oui, mais quel grelot. Elle ne reste pas une minute tranquille, et elle gazouille, et elle rit. Moi, ça m'assourdit. » On annonça. « Madame la baronne est servie. » Madame de Treuil, très souriante, vint à Morière et, lui prenant le bras, le fit asseoir à sa droite. Il avait Madame d'Argonne pour voisine et il passa le commencement du dîner à regarder attentivement ses mains, de délicates et nerveuses mains satinées, qu'on devinait souples et douces, avec d'imperceptibles veines couleur de pervenche et des ongles exquis d'un rose nacré. Machinalement, ses yeux allèrent des mains de sa voisine de droite, à celle de sa voisine de gauche, des mains assez belles de forme, fusées et molles, d'un blanc de lait, et qui semblaient maquillées, elles aussi, du même enduit velouté et poudreux que le visage, avec autour des ongles très longs et un peu opaques, une teinte d'un rose trop intense pour être naturelle. Et Morière, d'abord séduit par la délicatesse des mains de droite, s'attachait à présent à contempler celle de gauche, les trouvant, dans leur blancheur grasse, et à travers les éclairs des bagues plus suggestives que les petites mains élégamment simplettes de Christiane. Le début du dîner fut silencieux. On parlait presque bas, et seulement de voisin à voisine. Les orchidées mauves des grandes corbeilles basses redressaient leurs larges pétales, tout scintillant encore des gouttes d'eau lancées au dernier moment par la fleuriste. D'autres, piquées au milieu des figurines de Saxe, glissaient entre les bras de Pomone ou de Vénus, miraient dans les glaces du surtout leurs étoiles baroques qui, privées d'eau, s'inclinaient déjà, courbées par la chaleur. Monsieur de Morière regardait la grande salle à manger, d'un luxe harmonieux, sans une faute. Les tapisseries naïves représentaient des forêts peuplées de licornes blanches, de dindons ventrus et d'animaux improbables et agaçants. Les cerfs étaient tout petits, et les tourterelles énormes et menaçantes. Une grande horloge au cuivre superbe s'élevait dans l'un des angles. La suspension, une lampe d'église en vieil argent, était une merveille. Le comte Salomon vit qu'elle attirait l'attention de Morière. « N'est-ce pas? Elle est belle, cette lampe, marquis. C'est moi qui l'ai rapportée de mon dernier voyage en Allemagne. Agar adore les bibelots. Vous aussi, je crois, vous êtes connaisseur. » André répondit qu'il aimait à la folie les vieilles choses, et c'était vrai. Bien qu'il fût aussi peu intellectuel que possible, et que l'art se résuma pour lui dans le portrait d'une femme bien habillée, peint par n'importe qui de connu, ou dans les aquarelles de chevaux, il était arrivé à se connaître assez sûrement en bibelot. À force de voir de belles choses, et dans les châteaux où s'était passée son enfance, et plus tard, dans les collections des financiers qu'il fréquentait assidûment, il avait fini par savoir que telle époque se reconnaissait à des perles et à des nœuds, telle autre à des feuilles d'acanthe ou à des griffons, et par comprendre que les unes et les autres avaient une valeur réelle au point de vue du chic. Et il n'en fallait pas plus pour établir solidement dans le monde la réputation de connaisseur du marquis de Morières. On le consultait. Les femmes lui montraient, avant de l'acheter, le bibelot douteux. Il était connu et redouté des marchands, qui ne se moquaient de lui que très bas, et lui faisaient faire, tout en rageant, de bonnes affaires pour l'amadouer. Le comte Salomon jeta sous la lampe d'argent un dernier coup d'œil attendri et déclara « C'est une pièce unique. On ne trouverait pas sa pareille dans toute l'Allemagne. » La petite de Givray se mit à rire et dit à Chagny « Elle a dû lui coûter cher, la pièce unique. Il y met trop d'âme. » Madame d'Argonne, qui, comme tous les convives d'Étreuil, avait admiré poliment la suspension, demanda tout bas à Morières « Vous ne trouvez pas que c'est dommage d'avoir adapté à cette belle lampe ancienne ces branches qui la défigurent absolument ?» Il regarda furtivement la baronne, craignant qu'elle n'eût entendu, et répondit « Mais non, c'est très habilement fait, dans le même style. » Elle leva sur lui ses beaux yeux surpris, essayant de parler d'autre chose. « Est-ce que vous irez à Auteuil demain ?»« Oui, certes, vous aussi, naturellement. »« J'irai demain, mais je ne vais pas souvent aux courses. » Il la regardait d'un air étonné, et elle reprit. « Non, ça ne m'amuse pas beaucoup. »« Mais ce n'est pas seulement pour s'y amuser qu'on y va. » C'est pour se retrouver, pour passer le temps. Il faut bien faire quelque chose. » Étonné à son tour, Christiane dit « Ah !» sans trouver rien de plus à répondre. Et Morières pensa « Décidément, elle est niaise. » La baronne, qui écoutait depuis un instant, demanda « Comment allez-vous à Auteuil, monsieur de Morières ?»« Mon Dieu, madame, j'irai en fiacre, tout bonnement. À moins qu'un ami ne m'emmène, je suis encore sans chevaux. » « Justement, je voulais vous demander de venir en coach avec nous. » Il s'inclina. « Je serai ravi. Vous allez toujours en course ?»« Toujours, » répondit-elle, comme surprise de l'énormité de la question. Au bout opposé de la table, on commençait à s'égayer un peu. Les voix montaient. Chagny taquinait Madame de Givray, qui l'avait aperçue rue Aubert au milieu d'un rassemblement, sa carte de la Société protectrice des animaux à la main, faisant dresser contravention contre un cocher qui maltraitait son cheval. Elle n'en fait jamais d'autre, disait M. de Givray d'un air navré. C'est assommant de sortir avec elle. La jeune femme se défendait. En quoi assommant? Et qui se gênait-il puisque j'étais toute seule? Aujourd'hui, mais pas toujours, alors tantôt. Vous êtes descendu de voiture pour aller vous disputer avec un cocher. Comment descendu, puisque c'est moi qui étais dedans? Dans quoi? « Bah, dans le fiacre. »« Pourquoi étiez-vous rue Aubert dans un fiacre ?»« Oh, en voilà des questions. »« J'étais dans un fiacre, rue Aubert, parce que je venais de monter dedans boulevard Haussmann. »« Et j'étais monté dedans boulevard Haussmann, parce que je sortais de chez La Ferrière, et que j'avais envoyé la voiture au bois avec les enfants. »« Je ne voulais pas rentrer à pied. »« Et voilà. Est-ce suffisant ?» Monsieur de Givray demanda encore. « Eh bien... » Le cheval est tombé rue Aubert. Ce n'est pas étonnant. C'est un miroir, la rue Aubert. Qu'est-ce que le cocher y pouvait? Il pouvait le dételer pour le relever au lieu de taper dessus. D'abord, je prévoyais ça. Quoi? Que le cheval tomberait. Il avait l'air d'une brute, ce cocher. Je lui dis, arrêtez-moi à trois, rue Aubert, mais arrêtez doucement, parce que ça glisse, et que votre cheval ne m'a pas l'air de tenir beaucoup sur ses pattes. Il me répond, à pas peur. Et nous voilà partis. Nous tournons rue Aubert, et avant d'avoir fait trois pas, patatras, je sors du fiacre. C'est la première chose à faire, dit gravement le comte Salomon. Un cheval peut se relever avec son harnais à moitié cassé et repartir. C'est très dangereux, ça m'est arrivé une fois. Vous vous êtes fait du mal? Interrogea gracieusement M. de Vaudancourt, l'homme poli par excellence. Non, heureusement, mais je pouvais m'en faire beaucoup. Chagny demanda à la petite de Givray. Nous en étions à la sortie du fiacre. Ah, bon, je n'y pensais plus. Donc, je descends. Le cheval avait versé sur le côté, il était étendu, les quatre pattes raides, presque réunies, en chevreuil mort qu'on va suspendre. Impossible de se relever tout seul. Et le cocher restait sur son siège à taper dessus comme un sourd. Alors, vous avez exhibé la bonne carte verte? Pas encore. Je l'ai d'abord supplié très gentiment. Tapez pas comme ça. C'est à l'heure, et je ne suis pas pressé. Prenez le temps de le ramasser. Vous voyez bien que la sous-ventrière l'empêche de se relever, défaites-la. Comme il ne bougeait pas, j'ai dit, je vais la défaire. Alors il a crié, touche pas! Et il a sauté de son siège. C'est à ce moment-là que j'ai montré ma carte verte. Un ouvrier qui passait était cherché un agent, et quand l'agent est arrivé, le cocher tapait tellement à coups de pied, de manche, de fouet sur ce malheureux cheval plaqué par terre, qu'il l'a emmené au poste, le cocher, au lieu de verbaliser, tout simplement, comme à l'ordinaire. Monsieur de Givray demanda à Chagny, « Vous avez assisté à tout ça ?»« Non, je n'ai vu que la fin. On emmenait le cocher. Il y avait des gens qui riaient. » « Ils riaient de Rosette, naturellement. » La petite de Givray protesta. « Mais non. » « C'est-à-dire si, tout de même. »« C'est parce que le cocher n'a vu ma carte de la société protectrice qu'au moment où on l'emmenait. » Alors, il m'a regardé en criant. « Ah, vous en êtes, vous ?»« Ben, j'aurais dû voir ça, votre tête. » C'est ça qui les a fait rire. Il y avait de quoi, dit Chagny en riant de tout son cœur. Morière s'adressa à Christiane qui écoutait en souriant. Elle est bien toujours la même, ma cousine Rosette. La comtesse répondit avec conviction. Elle est délicieuse, je l'aime beaucoup. Moi aussi, mais je la gronde souvent quand je suis là. Et pourquoi la grondez-vous? Parce qu'elle n'a pas assez de tenue, pas assez de soucis du qu'en dira-t-on. Je ne trouve pas ça. « Comment ? Vous trouvez naturel qu'une femme du monde auquel appartient Rosette s'abaisse à discuter avec un cocher qui lui répond « touche pas » ou « a pas peur » ?»« Je ne trouve pas que des réponses plus ou moins correctes abaissent celui à qui il s'adresse. On peut, il me semble, être abaissé par soi-même, mais non par les autres. » »« Tel n'est point, je crois, la morale mondaine. »« Probablement, madame de Givray, se contente de la morale tout court. » Ne pensez-vous pas qu'il faut avant tout épouser les idées, les travers même, si vous voulez, du monde où l'on est? Qu'il faut se conformer à certaines traditions, à certaines règles d'habitude et de langage, en un mot, faire comme les autres? Je pense qu'il faut avant tout être soi, sans se préoccuper en rien de ce que sont ou ne sont pas les autres. Si je vous comprends bien, madame, c'est pour ces défauts que vous aimez Rosette. J'aime madame de Givray parce qu'elle sait aimer ce qui est bon, comprendre ce qui est beau, s'intéresser à d'autres choses que le monde, les robes, le concours hippique ou les potins. Je l'aime parce qu'elle est la seule femme avec laquelle je ne m'ennuie pas à mourir, et je crois qu'elle me rend un peu cette affection. Convaincu, André affirma. Oui, elle me disait ce matin que vous étiez charmante, et la seule femme avec qui elle soit liée vraiment. C'est très flatteur, ça. Car si elle est mal élevée, elle est très intelligente, ma petite cousine, et ne lui plaît pas qui veut. À travers la table, madame de Givray demanda en riant. « Eh, là-bas, il me semble que vous parlez beaucoup de moi, tous les deux. » Ce fut la baronne qui répondit d'un ton aigre-doux. « Beaucoup, en effet. » Mais le comte Salomon, très rouge, étouffant dans la pièce surchauffée et s'animant au milieu des épaules et des parfums, déclara, l'œil allumé et la voix un peu rauque. « Jamais assez. » Le banquier, qui n'était pas une bête, trouvait fort de son goût la petite de Givray. Cette frimousse rose, ses yeux gris souris qui riaient toujours sous une envolée de bouclettes d'or pâle, le tentait comme un fruit vert et rare, et comme, bien que déjà vieux et assez laid, il avait réussi auprès de mondaines aussi bien posées que celle-là, il se disait que toute femme a son heure, et il ne se laissait rebuter, ni par la réputation intacte, ni par ce qu'il appelait l'apparente froideur de la petite. De fait, Rosette eût été très en peine de dire, pour employer une expression qui lui était familière, comment le père de madame de Treuil avait le nez fait. Toujours distraite, ou bien violemment intéressée par quelque chose ou par quelqu'un, elle ne voyait rien de ce qu'elle ne regardait pas. Elle avait perçu vaguement la silhouette amorphe et le bourdonnement insignifiant de celui qu'elle appelait le père Salomon, mais cela sans plus. Et si on lui dit que sa petite personne, pas jolie mais drôlette, était reluquée par le financier, elle eût sauté au plafond de saisissement et d'indignation. Pour elle, le père Salomon était chez les Treuil quelque chose à quoi elle n'avait jamais songé, quelque chose entre les valets de pied et les chiens danois de la baronne. Elle ne pensait même pas que tout l'argent qui ruisselait dans la maison venait de lui. À propos de lui, elle ne pensait à rien. Elle répondit en riant, presque sans regarder le banquier. « Je n'aime pas qu'on s'occupe de moi. Je suis très violette. C'est par calcul d'ailleurs, car à moins d'être absolument sûr de ceux qui s'en occupent. » Voyant que Madame d'Argonne faisait un mouvement, « Oh vous, je suis bien tranquille. Je n'ai pas peur que vous me bêchiez, mais André, c'est autre chose. J'ai pas confiance. Comment ?» fit Maurière étonné. « Tu as peur que je ne te bêche? Tu crois que... »« Parfaitement. Je sais que je te choque à chaque instant. Tu détestes ce que j'aime et réciproquement, alors... »« Alors, ça n'est pas une raison pour te bêcher, comme tu dis. » Pourtant, elle s'arrêta, réfléchissant, et ajouta. « Après ça, tu es si bien élevé. » La chaleur devenait atroce. Les grosses têtes mouchetées des orchidées se baissaient de plus en plus vers les glaces des surtouts. Les fleurs même des corbeilles commençaient à s'incliner. Les gouttes d'eau avaient séché aux lumières et les pauvres plantes, avant de mourir, lançaient autour d'elles leur senteur lourde, qui semblait des stupéfiants plutôt que des parfums. Écarlate, le front perlant de minuscules gouttelettes, le comte Salomon demanda « Agar, est-ce qu'on ne pourrait pas établir un petit courant d'air, mon enfant ?» Madame de Treuil répondit d'un ton sec « C'est à ces dames qu'il faut demander ça. » Tout le monde n'aime pas, comme vous, les courants d'air. » Elle parlait en regardant sournoisement autour d'elle, redoutant qu'on accordât au banquier la grâce qu'il demandait, devenu maintenant très pâle, la parole légèrement embarrassée par un malaise croissant. Madame de Treuil était une de ces natures grelottantes, anémiées par l'abus des calorifères et des fourrures, et qui ne peuvent plus vivre à une température normale. Elle redoutait l'air à l'égal de l'eau et du feu. Elle vivait à la façon des paysans, qui n'ouvrent jamais une fenêtre, et ne voulait pas admettre que son père, toujours congestionné, pût avoir trop chaud. Elle ne comprenait pas que l'on vécût autrement que dans 35 degrés de chaleur factice, au milieu des émanations des fleurs et des gens. Et comme le banquier, qui, lorsqu'il avait une idée, ne la lâchait pas volontiers, appelait un des valets de pied et lui disait d'ouvrir une fenêtre en face de celle déjà ouverte, elle se mit à trembler, fiévreuse, inquiète, et pressa le service pour pouvoir quitter la salle à manger. Maurière, qui causait avec Christiane, ne vit pas que la baronne se levait de table. Ce fut elle qui lui toucha le bras, disant d'un ton où perçait l'aigreur « Je vous demande pardon de vous déranger. » Madame d'Argonne rougit, tandis que le marquis s'excusait avec un empressement vraiment sincère. « C'est moi qui suis honteux de mon étourderie. » Et pendant que, debout dans un coin du salon, Madame de Treuil buvait lentement une tasse de café, il s'excusa de nouveau. « Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Quand on est très jolie, on est très indulgente. » Il regardait la baronne, cambrée sous sa robe d'un rouge éclatant, admirable dans l'ampleur de ses mouvements, et il la trouvait vraiment belle. Son compliment de tout à l'heure était sérieux et très réellement pensé. Il dit encore moins haut, s'approchant plus près d'elle, « Vous savez que j'étais ce soir au manège grand. » Elle demanda vivement. « Vous m'avez vu ?»« Je vous ai vu, oui, madame. Mes compliments. » »« J'avais raison de dire que le costume devait vous aller. Il vous moule, ce costume. » Il ajouta, banal et guirlandeur. « Et c'est ce qu'il peut faire de mieux. » Madame de Treuil se redressa, transportée d'aise. Cette stupidité sucrée la ravissait absolument. Comme toutes les femmes mal faites, son idée fixe était d'enthousiasmer par sa beauté plastique. Et elle savait que son costume de bicyclette faisait habilement croire à cette beauté-là. Le visage correct de M. de Maurière lui plaisait, et elle était affolée de son chic et de sa réputation. Il reprit. « J'irai tous les jours vous voir prendre votre leçon. Voulez-vous ? » Elle fit oui de la tête, et il conclut en toute franchise, pensant à l'exquis dîner de ce soir, aux jolies femmes, à Auteuil demain, et à tout dans l'avenir, C'est tout de même bon de se retrouver à Paris. » La baronne lui lança un regard appuyé, caressant et très long, et il se dit, en voyant ce regard, « Elle aussi, pourquoi pas. Au fond, ça n'engage à rien, et elle est d'ailleurs très charmante. » Monsieur d'Argonne avait traversé le salon et maintenant, debout à côté d'André, complimentait crûment la baronne sur ses formes exquises. Christiane, de loin, les regardait tous deux, devinant presque ce qu'ils disaient. Elle pensait que ces deux hommes, son mari, son Jacques aimé et l'autre, se ressemblaient de toutes pièces. Ils avaient les mêmes habits, les mêmes habitudes, le même goût pour la baronne et ses pareils. Et cette pensée l'attrista un peu.